Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Alors cette semaine, qu'est-ce que je vous ai concocté? Eh bien, ça y est, enfin, c'est décidé, vous avez enfin droit aux lectures du cahier d'exercices pratiques volume 2. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, il était temps que je passe à l'action. Le cahier d'exercices pratiques volume 2, c'est quoi? C'est un projet un peu fou qui a été initié par Camille Yilin, auteur érotique, qui s'est dit « J'ai envie de rassembler plein d'auteurs pour rendre hommage à Pierre Louis et inventer des textes à partir des conseils qu'il donne dans son manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. » Donc, c'est des conseils extrêmement parodique, ironique, érotique et transgressif. Donc il y a tous les champs de la vie qui sont pris, par exemple à l'église. Alors à l'église, n'avalez pas de foutre avant d'aller à l'église parce que sinon après vous n'êtes pas à jeun au moment de prendre l'hostie, que des genres de choses comme ça. Et du coup, il y a des auteurs qui se sont prêtés au jeu d'écrire un texte qui à chaque fois est inspiré par un conseil donné par Pierre Louis dans son manuel d'éducation à l'usage des petites filles. Alors, du coup, j'ai participé à ce projet puisque j'ai fait la lecture de quelques-uns des textes qui ont été écrits pour ce projet. Ce projet, ça a donné quoi? Ça a donné un livre PDF ou e-pub qui est disponible gratuitement. Vous pouvez aller le télécharger sur le site cahierdexercicespratiques.wordpress.com. Vous avez tous les liens dans l'article qui va présenter la lecture de ce jour sur mon site, évidemment. Et en fait, ça a été des heures et des heures de travail, ce projet, de la part des gens qui ont écrit, des gens qui ont relu, des gens qui ont mis en page, même de ma part, pour enregistrer. Et je trouve que ce projet manque de visibilité et ça m'énerve. Ça m'énerve que tout ce travail pour offrir gratuitement de l'érotisme de qualité, pour faire perdurer une tradition érotique, et au final, on n'en fait un peu rien. Donc, allez en masse sur le site Cahier d'exercice pratique, téléchargez-le, offrez-vous-le. Il y a quand même une dizaine de textes, je crois. Il y a des dessins de Rita Renoir, il y a des poèmes. C'est très riche, il y a plein de choses. Donc, allez-y. Et moi, du coup, j'ai décidé de vous faire un petit montage de tous les textes que je lis. Donc, à chaque fois, le texte qui est lu, il y a le texte. En fin de texte, le conseil dont s'est inspiré le texte est donné, ainsi que le nom de l'auteur du texte. Je vais vous lire, je vous le dis dans le désordre, un texte de Jimmy, un texte de Camille Sorel, si je ne dis, je perds la tête. Donc, un texte de Ekat, un texte de Poppins, et un texte de Nora Gaspard. Des textes tous très différents, chacun inspiré par un conseil. Je vous laisse les découvrir. Alors, bonne écoute. Cahier d'exercice pratique, volume 2. Variantes et digressions littéraires autour du manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation de Pierre Louis. Le conseil dont s'est inspiré ce texte vous sera donné en fin de lecture. Amen. Les cuisses écartées, les mains accrochées à la paroi en treillis, je sens les grains s'enfoncer dans mon cul. Un à un, mon anus se dilate à chaque intromission pieuse. Il épouse les contours lisses de la bille et se referme aussitôt avant d'accueillir la suivante. C'est un chapelet banal, de ceux qu'on a chez soi pour réciter des Notre Père. Un chapelet aux grains larges en noyer. Le crucifix qui le termine est sculpté d'un Jésus-Christ en pleine agonie. Le voici maintenant qui pendouille entre mes fesses pendant que Luc me fourrage le con. Le bruit des pas sur le sol de l'église à l'approche de l'heure de la messe nous incite à réprimer nos râles, à contenir nos souffles. Hors d'haleine et transpirant, nous savourons l'intimité de notre indécent conciliabule de baise et d'amour. C'est Luc qui a eu l'idée du confessionnal. « Une traînée comme toi doit confesser ses péchés », avait-il lancé 3 jours plus tôt. Il a de l'imagination, Luc. Et malgré nos 20 ans d'écart, il n'en est pas moins vigoureux de la queue et habile de la langue et des mains. Depuis notre rencontre lors du mariage de ma cousine, il explore mon corps comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. Avec émerveillement, avec joie, avec avidité. J'aime quand son regard me scrute. Les jambes grandes ouvertes face à lui, il me détaille. Il force encore mon indécente posture en écartant mes fesses. Tout ouverte, tout offerte, je ruisselle. Il sourit. Cela a commencé par un sourire d'ailleurs. Durant l'interminable cérémonie religieuse qui consacrait l'union de Chloé avec celui qu'elle a choisi pour fonder une famille, je trompais l'ennui en observant les autres invités. Assis, debout, assis, chacun réagissait aux différents psaumes et homélies indissociables du sacrement du mariage pour qui à la foi chrétienne. Il y a bien longtemps que je l'ai perdu. Je pense même ne jamais l'avoir eu. Mais ma famille perpétue cet héritage d'une autre époque et je n'avais pu échapper à cette célébration sacrée. C'est en baladant mes yeux dans l'assistance que je tentais d'accélérer le temps. La robe jaune à froufrous de tante Adèle me fit sourire. La tonsure de l'oncle Gérald ne me surprenait plus. La somnolence tolérée de l'arrière-grand-mère me faisait envie. Chaque détail nourrissait ma distraction. Soudain, je perçus, sans même les voir, des yeux posés sur moi. Mon regard balaya les alentours. C'est deux rangs derrière que se trouvait mon espion. Un costume élégant et bien coupé, une chevelure poivre et sel et des prunelles qui me déshabillaient, il n'en fallait guère davantage pour me troubler et me faire rougir. Cela lui fit sourire, je devins écarlate et tentai de balayer l'émoi qu'il provoquait en me concentrant sur les paroles du prêtre. La cérémonie prit fin. Les graineries volèrent, les appareils photos crépitèrent. Et enfin le champagne coula lors du traditionnel vin d'honneur. « Bonjour, madame. » Je sursautai. Il était là devant moi. Les joues me brûlaient. « Bonjour, monsieur, » répondis-je timidement. « Je suis Luc, l'oncle de Thomas. Et vous? Vous êtes de la famille de la mariée ?» me demanda-t-il tout en me tendant une coupe. « Oui, Suzanne, la cousine de Chloé. Alors trinquons à l'union de nos deux familles » lança-t-il avec son sourire qui me fit fondre. « Oui, et longue vie au tourtereau ?» De coupes en petits fours, de discussions en fou rire, le tutoiement remplaça le vouvoiement, l'excitation balaya la courtoise réserve. Le plan de table nous séparait pour le repas. La piste de danse fut le lieu de nos retrouvailles. Collés serrés, nous enflammions le dance floor tout autant que nos corps. Sa main qui passait de mon dos à ma taille répondait à mes doigts qui caressaient sa nuque. Son érection naissante alimentait l'humidité de mes dessous. Les battements de nos cœurs se faisaient écho. Notre chorégraphie déplaisait de toute évidence à l'assemblée. On vint me mettre en garde et me demander de me tenir. En réponse, je m'esquivais avec mon cavalier dans le parc et nous échangeâmes notre premier baiser. Il nous alluma. C'est ainsi que nous désertâmes discrètement les noces. Luc n'habitait pas loin. Pourtant, notre désir rendait le trajet interminable. Sa main se glissait sous ma robe. Mes doigts caressaient sa verge au travers de son pantalon. L'ascension des 4 étages se fit nos langues mêlées. Enfin, il ferma la porte de son appartement qui allait être le théâtre de notre première nuit de baise. Sur le canapé, nous nous déshabillâmes sans précaution. Nos peaux cherchaient la communion. Les baisers délicats du début laissèrent la place à des aspirations, des mordillements, des coups de langue francs et profonds. Luc se régalait de mes seins, je caressais ses fesses. Mes mains glissèrent ensuite sur ses hanches pour rejoindre son sexe. Lui, moi, nous, glorieuse Trinité. C'était tout ce qui comptait sur l'instant. Sur son lit, il découvrait le goût de mon cul avant de me prendre en levrette sans me ménager. Ce fut une nuit de sexe rare, sans la retenue habituelle des premières fois. Nul besoin de dire mot. Nos désirs se répondaient, nos envies se nourrissaient, notre plaisir décuplait. Après avoir dormi quelques heures dans ses bras, je rentrais chez moi enrobée de coton, heureuse de cette rencontre, le sexe brûlant d'envie de le revoir. Un désir ardent qu'il me salope. Je n'allais pas être déçue. Depuis, nos rencontres sont un savant mélange d'excitation cérébrale et d'exultation corporelle. Nous nous découvrons corps, cœur et âme. Je n'ai aucune pudeur avec lui, ni pour me dévoiler, ni pour me dévêtir. Il n'en a pas davantage. Parfois, il s'improvise coiffeur de chatte. C'est très excitant d'être ainsi, les cuisses grandes écartées devant lui. Il approche son visage de mon con qu'il détaille avec minutie. Il commence par dessiner un triangle ras sur mon pubis à l'aide d'un peigne et de ciseaux. Son application est douce, fervent désir de perfection. Le plaisir qu'il prend me donne le sourire. Puis, il étale la mousse. Les lames métalliques de son rasoir m'effleurent sur les lèvres, dans les plis de mon aine, dans le sillon de mon cul. Ses doigts s'assurent du glabre de ma peau. Un artiste du poil qui partage avec son modèle une intimité précieuse. D'autres fois, c'est lui qui s'abandonne à moi. Sans le prévenir, je glisse dans son cul le plug qui comblait mon fondement l'instant d'avant. Puis je prends son sexe en bouche. Des coups de langue sur son gland, tandis que mes mains enserrent ses couilles. Des aspirations baveuses jusqu'à la hampe. Des mouvements de langue sur sa verge. Je pignoche sa bite du bout des dents, en jouant avec le bout de métal qui emplit son anus. J'avale goulûment son sperme, une ogresse de foutre qui adore son martyr consentant. Toujours nous plongeons ensemble dans un corps à corps endiablé. Nos ébats et nos échanges se font de plus en plus démoniaques. Une exploration de l'infinitude des possibles, une véritable catéchèse sexuelle. La vulgarité n'existe pas entre nous, les limites non plus. C'est ainsi qu'au cours d'une discussion, il lança cette idée de confession et que je me retrouve le cul forcé par un chapelet. C'est en toute discrétion que nous nous sommes engouffrés dans le confessionnal. Les fidèles croyants arrivent et commencent à investir les agenouilloirs. Rapidement, Luc soulève ma jupe et glisse un doigt humide de salive dans mon anus avant d'y insérer le premier grain à prière. Au départ, mon cul accueille sans difficulté les billes de bois. Au fur et à mesure, je le sens se dilater. Les grains pénètrent de plus en plus loin. Je me sens pleine, odieusement pleine. Je mouille. Le souffle de Luc me caresse les fesses. Les pas se font plus rares dans l'église. L'office commence. Il tire légèrement sur le chapelet pour en faire ressortir quelques grains, pour mieux les enfoncer de nouveau dans mes entrailles. Il vient titiller du bout de la langue mon étoile. Il se relève et prend mes seins à pleine paume. Mes mains s'agrippent à la dentelle de bois censée nous séparer de l'homme d'église. Il glisse un doigt, deux, trois, les agite frénétiquement en moi avant de les retirer subitement. Je tourne la tête vers lui et l'implore du regard de poursuivre. Il m'exauce et sa main entière s'engouffre dans ma chatte. Je réprime mes cris, je me cambre davantage, mon con s'ouvre encore. Je sens mes chairs pulser contre sa peau. Je jouis en l'aspergeant de ma mouille dont il se délecte. Je me retourne. Le crucifix balance entre mes jambes. Mes cuisses sont trempées. Il m'embrasse. Je m'agenouille et le déboutonne. Son sexe est dur et droit. Je le suce avec ferveur et dévotion, avec passion. Il éjacule dans ma bouche. « Surtout n'avale pas, garde-le » m'ordonne-t-il. Je suis surprise, mais je m'exécute. Son foutre sur ma langue, je le regarde se rhabiller. Il jette un œil par-delà le rideau et me fait comprendre d'un signe de la tête que nous pouvons sortir. C'est le moment de la communion avec le Seigneur. Nous rejoignons depuis le fond de l'église la file des paroissiens qui viennent recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Le chapelet toujours dans mon cul, le sperme de Luc se répand dans ma bouche et se mélange à ma salive. Privé de déglutition, j'essuie d'un revers de la main le filet de bave qui pointe à la commissure de mes lèvres. J'arrive devant le prêtre. Il me présente l'hostie. J'ouvre la bouche. Ses yeux s'écarquillent quand il voit le fluide blanc qui recouvre mes papilles. Il poursuit cependant la consécration. Le corps du Christ. Il dépose sur ma langue le disque de pain béni. Son doigt trempe dans la semence de Luc. Il signe ses lèvres et prend soin de nettoyer du bout de la langue son doigt souillé et me sourit. Je déglutis et avale les présents sacrés qui recouvrent maintenant mon palais. Amen. C'est au tour de Luc de communier. Ce texte a été inspiré par le conseil suivant. À l'église, si vous sucez un monsieur avant de partir communier, gardez-vous bien d'avaler le foutre, vous ne seriez plus à jeun comme il faut que vous le soyez. C'est un texte de Poppins, lu par Charlie F. Et tout de suite, on passe à la dégustation d'un autre texte. Le cri. De jour, cette maison de maître se noie dans la rue grise, anonyme refuge. J'aime ses murs hauts, ses pièces carrées, où chaque soupir léger résonne comme un cri de plaisir. Ici, je vis entre deux mondes, éternelle indécise. Mon royaume est une salle d'eau. J'aime y jouir, les mains sur les parois de pierre de lave, l'eau bouillante ruisselant sur mon dos, l'un ou l'autre amant accroupi entre mes cuisses. Dans la chambre couleur sang, les extases rouillées. Ce corps d'hier, dont la peau raconte les nuits endormies, les agapriches baignées de merlot, les délices sucrées commis par Louise chaque mardi, les pipes de tabac ardennais qui ont parfumé chaque livre de la grande bibliothèque, les voyages trop faciles, les goûters mondains et la poudre des perruques, l'opulence, le luxe, la faim proche, lorsqu'une artère trop saturée de rillettes d'oie refusera d'en encaisser plus. Ce corps agonisant d'excès qui pourtant me porte vers les plaisirs les plus raffinés avec la fragilité d'une plume. J'aime la délicatesse du geste quand sa main redessine mon corps de la nuque au con à friolante caresse, puis écarte mes fesses, glisse trois doigts dans mon sexe et le pouce qu'il a généreux masse la rosace. Cesse donc toute manière et crache, homme, crache et entre. Offre-moi ce plaisir gras. Empale-moi avec amour, entre avec douceur, que tes doigts presque se touchent et, prise de toutes parts, je jouisse avec indécence. Parfois la nostalgie me prend, comme l'envie de retrouver cette insouciance à jouir dans les bois au bord de l'étang, mes 15 ans et tes 40. Aujourd'hui, oui, tu es presque vieux. Est-ce cruel de dire ça? Non. Tes petites rides autour des yeux me racontent la vie. Je les aime, comme une crêpe au cidre ou un vin blanc glacé, comme le souvenir de ce qui a été. Ton corps est aquarelle, aux contours dilués, aux couleurs passées. Temps nous a redessinés. Nous étions manga, nous sommes estampes. Parfois, corps faibli, tu le sais, lui pas. Le monde nous ronge, nus, collés de tendresse, nous faisons front. Nos désirs parallèles et ta fatigue d'homme, dont la plus grande part de vie est déjà le passé. Ma jeunesse relative et mon corps insatiable. Tu souris et je n'ai pas le cœur de te faire le moindre reproche. Mon ventre, lui, ne réclame plus de sexe raide depuis que nous vivons ici. Il se serre, insatiable. Tu le sais, tu le goûtes lorsque les soirs bleus, tu manges mon sexe à pleine bouche. Pourtant, nous n'en parlerons pas. Étonnant tabou d'une maison libre. Nous avons trouvé ce modus vivendi des trios inconstants. Il me baise, tu regardes, je jouis. Commerce tranquille dans la chambre vermille. C'est ma fuite en avant, ma liberté, mon mensonge conscient. Nier l'emprise et jouer comme une enfant, alors que mes seins remplissent la corbeille de tissu soyeux. Il est mon goûter, mon 4 heures avec un verre de lait. Cet enfant de 25 ans, presque innocent, angelot priapique, ne me rappelle pas ma jeunesse, non. Il est ma jeunesse. Son ventre presque nu, sa peau douce, pleine, la pulpe du fruit à peine mûr. Il est mes 16 ans naïfs de romance et mes 20 ans s'offrant sans réserve. Il est le premier sexe dans ma bouche et l'ivresse du plaisir. Il est le souffle et le désir qui me prend par le con et traverse mes entrailles jusqu'à l'indécent sourire. Il est changeant de semaine en semaine. L'attrait de la nouveauté ou, va savoir, ma fausse virginité. Entre, sourions, baisons, jouissons, rions. Je n'ai pas d'histoire. La pièce blanche comme sans vie, l'épure du glacier et cette délicieuse légèreté. Il s'appelle Antoine ou David. Il est bibliothécaire ou ingénieur. Il aime me prendre en levrette sur le coin du lit ou me plaquer contre le mur. Il est jeune, il me plaît, il me baise. Et les soirs de doute, ne crois pas que je subis. C'est mon choix, absolu et partagé. J'aime la chair fraîche, les fesses fermes de l'homme jeune, la virginité de son cul. C'est de loin ce que je préfère. Initier le naïf d'un premier baiser et lui donner l'envie d'être pris, réclamant avec force gémissement le doigt salvateur qui lui arrachera un cri. Le cri rauque et sombre du corps qui tressaute d'extase. Ce soir, je baise l'amant dans notre salle de bain de marbre noir. Je sais que tu es là, derrière la porte, pas loin, et que tu te réjouis de ma fantaisie. Je me remplis, vampire, du corps jeune et des souvenirs. Je baise à plusieurs. Je tends mon cul au jeune amant. Lèche, mord et explore. Sa langue a l'audace des aventuriers, tandis que ses doigts caressent la soie de mon sexe impatient. Face au miroir, j'observe ses mains qui agrippent un sein, enfonce un doigt, sa bouche tendre dans mon cou. Aujourd'hui, il a le cheveu sombre et le corps joli. Je suis surprise. Il me chuchote quelque poésie dans l'oreille, galvaudée de mots doux. Dans le miroir, ses yeux me sourient. Il me plaît, il me tente. J'aime cette atmosphère moite des salles d'eau. Lorsque la buée s'efface, je m'offre l'émotion des corps dansants. Mes cuisses autour d'une taille solide, ses reins d'une cambrure insoutenable, mes seins écrasés sur sa peau. Nous réinventons les voyages immobiles, la pulsation délicate, tambourin du désir, convulse corps, et ma conscience s'éloigne. Mon sexe est torrent, mes hanches butent sur la pierre. Un désir flamboyant nous offrons le luxe du temps, cascade et sel. Pour la première fois depuis les amants, je ris, à perdre gorge, à pleurer d'oubli, de cette liberté douce, de ce chemin fou, de cette triade parfaite aux émois délicats. Nu, apaisé, je te rejoins enfin, le silence après l'envie. Je m'assieds sur le lit, les cuisses écartelées, la semence d'un autre coulant de mon sexe. Tu regardes la faille d'un rouge passé, les seins lourds, la femme mûre que je suis aujourd'hui. Et tu te branches sans un mot en me regardant droit dans les yeux. Tu n'es plus que sang dans les veines, ton corps est électrique, ta peau est la frontière. Il n'y a plus de lieu, ni de qui, ni de pluie sur le toit. Il y a toi, et le temps infini de la jouissance, entre le premier frémissement et le bouillonnement tendu de ton ventre. Tes reins sont le soleil du monde. Et la musique sourde des draps qui se froissent, dessin d'envie sur peau de lit, le parfum du bois qui craque, rythmique du rut. Dans la chambre grenat, une main pétrit un sexe presque droit, lui arrache les dernières gouttes d'un plaisir paresseux, écrase les ovales pour un ultime plaisir. Ce corps fatigué, ton corps de presque vieux qui a tout vu, tout vécu, s'offre un sursaut d'envie. Dans la rue résonne ton cri. Au loin, un jeune amant rentre chez lui. Ce texte a été inspiré par le conseil suivant. Ayez tous les amants qu'il vous plaira, mais ne racontez pas aux jeunes ce que vous faites avec les vieux, ni réciproquement. C'est un texte de Nora Gaspard, lu par Charlie F. On continue à se faire plaisir avec un nouveau texte. Philosophie dans le plumard. Catin. Tu aimes ça? C'est ta manière d'introduire le God Red dans mon cul. Résumons un peu le contexte autour de cette phrase à la syntaxe bancale et au message rempli d'implicite. Un swipe malencontreux sur cette appli qui finit par un toi. On se fixe rendez-vous dans un bar tranquille car le lounge me désole. Je te parle lutte des classes, patriarcat à abattre et mathématiques. Tu me réponds Marx, Caliban et géographie. Ok. Fuck les algorithmes et merci le hasard. De toute manière, c'est quand on ne cherche pas que l'on trouve. Deuxième rendez-vous, bah ouais, c'est assez bourgeois comme attitude finalement. Je finis chez toi. On passe en revue les philosophies au lit, du positivisme au matérialisme. On n'allait pas non plus s'étaler sur du sophisme. Tu m'excites, donc tu jouis. Le café du matin se transforma en débat politique, libéralisme de nos corps et communisme des orgasmes. Ton cerveau m'excitait autant que ton cul et ma langue te rendait un peu fada. 3 ans après, on continue la lutte, main dans la main et corps contre corps. On continue à parlementer pendant des heures, alors que le soleil est déjà au turbin, dans des méridiens éloignés, tout en remplissant des recueils d'érotismes extrémistes en défiant l'espace-temps. J'ai appris à connaître les signaux annonciateurs d'une révolution dans tes entrailles, tes mains frénétiques ou tes pieds recroquevillés. Tu as également appris que je clôturais les séances plus rapidement quand mon cul était rempli. Ce n'est pas que tu aimais forcément fermer les discussions, c'est plutôt que tu adorais la conclusion quand tu reçois les acclamations. Ça me rappelle ce repas chez mes parents. L'un des derniers, puisqu'ils te voyaient d'un mauvais genre. Les blablas politiques ont dû tourner court quand je leur ai fait comprendre que leur choix résultait d'un conservatisme rance et que la jeunesse d'une personne ne se mesurait pas à son âge ou à sa fraîcheur. Le café sortit de la capsule en aluminium, bu comme un discours jupitérien, avec mépris, ennui et effroi devant l'inconsistance, nous rentrâmes dans nos pénates. J'étais sur les nerfs, tu étais sur le qui-vive. À peine la porte claquée, ce fut le tour de mes fesses. Je sais ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. File dans la chambre et enlève-moi ce pantalon. Tu manies la pensée nietzschienne du cul avec agilité. Je me devais de m'exécuter car c'est ainsi que tu parlas. Tu filais alors dans l'armoire, te déshabillais et te retournais avec une roideur janséniste. Turgescence brillante, provoquant les désirs qui alimentent le capitalisme. Je savais que l'une de mes ouvertures allait être sollicitée autant qu'un pseudo-philosophe de ce siècle par la télévision. Tu agrippais mon sexe à pleine bouche. Je sais que l'oral est l'un de tes points forts. Tu manies plusieurs langues étrangères en même temps, mais ta propre langue me materne avec une parfaite maîtrise. C'est humide. C'est chaud, c'est au bord de la jouissance, mais tu sais t'arrêter près du précipice, juste pour regarder les vagues. C'est à ce moment-là du texte où l'on retourne à l'introduction. Oui, l'incipit textuel, mais aussi celui de mon petit cul par cet énorme engin. Oui, ce sont les mains, l'écartement graduel de mes entrailles, et ton corps sous plusieurs pascales de pression qui font du bien. Mais putain, ton regard, conquérant, dominateur, gourmand et imposant. Ces yeux qui me disent « Tu vas tellement jouir que tout discours ne vaudra méthode. » À peine le temps de passer mes mains sur ton torse, d'essayer d'agripper ton sexe pour connaître ton avis sur la question, que déjà je me laisse déborder par les affects et que la jouissance nous envahit. Tu t'étales sur mon corps, nos sueurs se mélangeant. À peine la problématique introduite que l'on arrive à la conclusion. Une vraie copie de lycéen. Tu veux un café de prolo? Non, reste collé à moi. Je te veux pour moi, même si je ne crois pas à la propriété privée. Ce texte a été inspiré par le conseil « Ne suspendez pas de godemichée au bénitier de votre lit. Ces instruments-là se mettent sous le traversin. » C'est un texte écrit par Jimmy et lu par Charlie F. Vous en voulez encore? Bien sûr que vous en voulez encore. Alors la dégustation de textes érotiques continue. Edmond en queue de pie. Écoute-moi bien, chérie, et enfile ce veston. Sans pantalon, voyons, où te crois-tu tomber? La queue de pie qui danse sur ton petit cul plugué est du plus bel effet. Tu ne veux pas m'en priver. Ce soir, oublie ton nom. Je t'appellerai Edmond et te nomme majordome. Ne me remercie pas et parle seulement lorsque je t'interroge. Ce n'est pas pour toujours, seulement pour quelques heures. Et ton beau vie m'indique que tu en es heureux. Pour toi, je suis madame, et tu m'obéiras. Complétons ta tenue. Ferme ces quatre boutons, lisse ton habit noir, et viens t'agenouiller en face de mon fauteuil. Je vais mettre à ton cou un beau nœud papillon. Relève-toi maintenant. Edmond, que tu es beau! Cette bandaison plantée devant mes yeux est vraiment réjouissante. Je vais l'orner d'une petite lanière. Regarde. D'abord, je passe sous tes couilles et serre tout ton sexe. Ne sursaute pas et laisse-moi m'amuser. Pour que l'effet perdure, j'entoure bien ta queue et sous ton gland gonflé, je fais un joli nœud. Solide cependant pour pouvoir t'attraper. Tourne-toi. Comment se porte ton cul? Le plug est à son aise. Il faut te remplir mieux. Penche-toi en avant que je m'occupe de ça. Je retire l'objet. Ah, ne soupire pas si fort, j'ai à peine commencé. Voilà un nouveau god d'une taille conséquente posté à ta corolle. Attention, je pousse. Interdit de bouger. Edmond, je suis fière de toi. Tu es presque équipé. Voyons, fais quelques pas. Que tes gémissements sont doux à mon oreille. Marche encore et tortille tes hanches. Serre tes fesses pour bien sentir que je t'habite. Et viens vers mon fauteuil. Retire ma culotte. Oui, elle est inondée, que veux-tu, tu m'excites. D'ailleurs, range-la dans ta bouche, que je ne t'entende plus le temps que tu me fasses jouir. Utilise tes doigts tant que tu les as libres et branle-moi. Si tu me fais gicler, tu auras une récompense. Un dernier ordre que je te donne maintenant, car après mon orgasme, je crains de défaillir. Après m'avoir fait jouir, tu libéreras ta bouche. J'écarterai mes fesses et de ta langue habile, tu honoreras mon cul. Tu ne t'arrêteras que si je te le dis. Et après, nous verrons la suite de la soirée. Mais n'espère pas de réciproque, Edmond. Tu es mon domestique et je dicte le jeu. Ce texte a été inspiré par le conseil suivant. Avec les domestiques, ne faites pas feuille de rose à vos domestiques. C'est un service que vous pouvez leur demander, mais qu'il est plus convenable de ne pas leur rendre. C'est un texte écrit par Camille Sorel et lu par Charlie F. Allez, un dernier pour la route parce que c'est tellement bon. On aurait quand même tort de s'en priver, non ? Lettre. Cher toi. Il eût fallu écrire cette lettre sur un papier rare, au stylo plume. Mais je me contenterai de feuilles basiques et d'un bic. J'aurais aimé y mettre les formes, mais tu me connais. Rien ne me va plus qu'aller droit au but, quitte à faire des infidélités à l'esthétique. Le bic un peu amoché bavera sûrement un peu. Ça n'en rendra que plus chaotique mon écriture, déjà perchée et compliquée. Comme nous ? Sûrement, oui. Nous. Nous avons décidé d'en taire une partie, d'en éteindre certains feux. C'était le choix le plus raisonnable. Dieu sait où cela aurait pu nous mener encore de se laisser aller au désir. Nous avons mis un doigt chacun dans un engrenage qui nous dépasse. C'était incroyablement bon, le temps que ça a duré. Aucune question, que du plaisir, cru, intense, sauvage. Sans penser à rien d'autre que ta peau et la mienne, que nos sexes en pâmoison, que nos bouches, jamais rassasiées. Nous sommes pareils, toi et moi. Nous nous le sommes souvent dit. Je suis ton doppelganger, te souviens-tu ? C'était déjà incroyable de s'être trouvés. Nous aurions pu ne jamais... Mais c'est arrivé. Le mal est fait, ou le bien, le saura-t-on jamais. En moi des brasiers que nul autre ne peut éteindre, en toi des fantasmes que tu ne t'avouais même pas. Nos grains de folie mêlés, comme nos langues et nos doigts qui inventaient des histoires. Je te sais plus solide. Je pense que tu tiendras à cette décision, que tu me garderas à distance de sécurité. De mon côté, même si je fais des efforts, même si je m'occupe les mains et l'esprit, je ne peux qu'avouer que je pense à ton cul. Plus tu me l'interdis, et plus j'en rêve. Le contempler, le toucher, le lécher, l'explorer. Je pense à ton cul. Je veux de ma langue te fouiller, te sentir tressaillir. Je veux que tu soupires sous mes caresses. Je pense à ton cul, à mes doigts. À toi qui hésites, qui te rétractes, à ce qu'il faut faire pour que tu t'ouvres à moi, enfin. La nuit, quand le drap pèse sur mes seins, quand la chaleur ourle mes reins de sueur, je replonge, comme camé de toi. Je revois alors ton sourire et ton sexe, je rejoue la partition. Tu te tiens devant moi, tout habillé. Toute la journée, nous avions plaisanté sur cette ceinture en cuir qui aurait pu avoir tellement d'autres usages. Je m'étais déshabillée, ne gardant que ma culotte de tulle noire. Et là, la ceinture marquant ma taille, mes poignets liés par elle, dans le dos. Tu connais bien sûr la suite de l'histoire. La nuit, quand la moiteur me tord le ventre, quand ma bouche te cherche, je t'attends. C'est absurde, mais je t'attends. Alors, j'use de tout ce que je peux, mes doigts, comme si c'était les tiens, n'importe quel jouet qui me tombe entre les mains. Je me branle. J'en sors pantelante, meurtrie. La jouissance me tombe dessus comme une chienne enragée, comme une maladie dégueulasse et un peu honteuse. Parfois même, je l'utilise. Lui, il devient le vecteur du plaisir que tu ne peux plus me donner. Quand je m'enfonce sur sa queue, quand je fais rouler mes hanches sur les siennes, c'est à nous que je pense. Je prends ses mains, je lui demande d'empoigner mes seins, de serrer. Je ferme les yeux et ce sont nos sexes mouillés, avides. C'est toi que je baise, ce sont tes caresses que je cherche, furieusement. Et s'il descend entre mes cuisses, si sa bouche se perd, là, j'imagine que c'est ta langue qui me recueille quand j'explose et quand je coule. C'est pour toi, pour que tu puisses goûter le parfum de mon sexe changeant et amer. Toutes les nuits, parfois même au petit matin, dans un demi-sommeil, je te rêve en chair et en sel. Tu es, pour ces minutes-là, juste avant que le soleil ne se lève, tout à moi. Alors, je te bois jusqu'à la lie, sorcière. Tu es au cœur de mon rite. Ton cœur est une offrande. Je me branle comme une damnée, les reins creusés jusqu'à m'en faire mal. La douleur est plus supportable que la frustration. Je me ravage. Ce ne sont plus des caresses, mais des empoignades, morsures et griffures dont je porte les stigmates. Mes lèvres sèchent et ma peau rougit. J'appuie sur mon clitoris. Je le malaxe. Je le violente. Parfois, c'est ma paume entière qui frotte, comme si elle voulait effacer, anéantir le feu du désir. Je m'abîme en toi, me perds. J'aimerais que tu me vois, à cet instant. Mon regard trouble, la sueur collant les cheveux à mon front, mes joues rouges, mes lèvres blanches d'avoir été mordues. Pas belle, mais vivante. Tellement. Nous est un jeu pervers. J'en ai conscience. Il serait plus simple de dénouer tous nos liens. Je ne veux pas faire de toi une marionnette suspendue au fil de mes pensées. Comme je ne devrais pas t'envoyer cette lettre, non. Je devrais la brûler. Ou mieux, la déchirer en morceaux minuscules et puis l'avaler, petit bout par petit bout. Chaque phrase crevant de désir, chaque mot que je ne devrais pas prononcer, réduis en une bouillie d'encre et de salive, formant une pâte douceâtre sur ma langue. Le goût de l'interdit. Je devrais t'avaler, toi et tout ce foutu plaisir, toi et cette envie dingue. Je devrais déglutir et te garder au chaud, au creux de moi. Je t'embrasse autant que je te veux. Ce texte a été inspiré par le conseil. Ne dites pas « je vais me branler », dites « je vais revenir ». C'est un texte de Hécate, lu par Charlie F. Eh bien voilà, ce podcast exceptionnel autour des cahiers d'exercices pratiques volume 2 est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez aller télécharger le livre numérique gratuitement. Il est disponible en PDF, en e-pub. C'est un boulot de fou qui a été fait, donc n'hésitez pas, des textes de qualité à lire, à relire, des dessins exclusifs de Rita Renoir. Franchement, c'est du cadeau, c'est bientôt Noël, et bien justement le Père Noël érotique est passé avant l'heure. Pour les liens, pour tout télécharger, cahier d'exercices pratiques.wordpress.com, si vous n'arrivez pas à retenir, rendez-vous sur mon site lec.charlie-liveshow.com. C'est là que vous retrouverez l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, avec tous les liens pour télécharger ce livre PDF gratuit, et aussi, c'est là que vous pourrez réécouter tous mes précédents podcasts érotiques. Bah ouais, hein, avec l'hiver, avec le froid, tout ça, il faut penser à se réchauffer de l'intérieur, c'est important. Voilà. Eh bien, ça y est, vous pouvez reprendre une activité normale, ça y est, je vous l'autorise. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao.